c'est pas un beau quart d'heure, c'est un pitch correcteur, pitch correcteur, que je ne sais pas bien régler. J'espère que tu seras tolérant avec moi.